mère a peur de la fin du monde, donc je voulais t'appeler Coco. On a des chances si tu lui ressembles un peu. Elle dit qu'on est foutu, que la mer monte. J'en sais rien, mais dans d'autres, si tu savais bien nager, ça serait mieux. Si tu deviens genre meilleur que nous, on peut peut-être s'en sortir. Désolé si je mets tout l'avenir entre tes mains. Si tu pouvais même être heureux, nous montrer que c'est possible, ça nous aiderait de savoir qu'on se débat pas pour rien. Nous, contre le monde. Nous, contre la fin du monde. Nous, contre le monde. Quand tout s'effondre, on luttera. Mon enfant, ça va aller, ça va aller. J'essaie d'avoir autre chose que des regrets. Ça fait quelques années qu'on attend. T'es sûrement perdu en route, ou juste t'as pas envie d'entrer dans le jeu. J'ai déjà mis des jouets dans ta chambre, quelques films de kaiju. Je vois ton visage chaque fois que je dois faire un vœu. Tous les mois la défaite, quand on comprend que tu vas pas venir. On se connaît pas encore, mais tu nous manques déjà. Si t'as peur ou si t'as la flemme de commencer à vivre, dis-toi qu'on forme un mec à toi, ta mère et moi. Nous, contre le monde. Nous, contre la fin du monde. Nous, contre le monde. Quand tout s'effondre, on luttera. Et si c'est une fille, on l'appelle comment ? Goku. Comme le poisson rouge. Et le chien. Que des Goku.